Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 1. Tu l'ignores peut-être, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 11 septembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Val-de-Grâce, tu es Michel Houellebecq, tu es Louisiane, tu es Cartable, tu es Essence sans plomb à 10 balles. Oui, tu l'auras compris, ce matin, nous revisitons ta rentrée. La rentrée, c'est toujours la même chose. En septembre, tu reprends tes fonctions professionnelles, scolaires ou domestiques que tu avais quittées pour les vacances. Les vacances, elles sont déjà loin. Parce que la rentrée, c'est un virus qui frappe vite. La rentrée, c'est un rendez-vous annuel auquel il est très difficile d'échapper. Mais cela dit, est-ce que toutes les rentrées se ressemblent-elles forcément? Alors à quoi ressemble ta rentrée 2005? Eh bien, de la Baule à la Courneuve, de Jean-Pierre Mocky à Zinedine Zidane, de la Starac à la Marseillaise, du pouvoir d'achat aux fournitures scolaires, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de ta rentrée. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques et les actualités de la semaine. Allez, c'est parti, on est dimanche matin, on est bien, alors on se tutoie. C'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son. Magical Mystery Tour, ce sont les Beatles de 1967 qui inaugurent la panique parce qu'à la rentrée, eh bien, c'est reparti pour un tour. Alors, pour commencer notre exploration de ta rentrée 2005, nous allons nous arrêter un moment sur le cœur de la rentrée, sur la vraie rentrée, la rentrée scolaire. La rentrée, c'est toujours un peu la même chose. C'est la fin des vacances, les fournitures scolaires à acheter et le retour des dimanches soirs sinistres où il faut préparer les cartables. Enfin, toutes les rentrées se ressemblent, c'est vite dit, il faut quand même nuancer. Il existe parfois des rentrées particulières. Tiens, en 1945 par exemple. 1er octobre, pour la première fois depuis 6 ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Spectacle toujours le même et toujours nouveau. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Les maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Rentrée de paix, mais encore rentrée de crise, leur trouvera-t-on des livres, des crayons, des cahiers et des souliers. Eh oui, à la rentrée 1945, on manquait de tout. De livres, de crayons, de cahiers, mais surtout de profs d'allemand. Aujourd'hui, question fourniture scolaire, ça va mieux. Cette année, près de 12,5 millions d'élèves, collégiens et lycéens, sont arrivés dans les salles de classe. Pour les accueillir, 1 300 000 personnes sont mobilisées, parmi lesquelles on compte 880 000 enseignants. Pour eux, la rentrée, c'est le retour dans la salle des profs et ça fait toujours tout drôle après les vacances. Moi, c'est Gérard. Frédéric. Je fais la gym. Et lui, c'est Michel. C'est un bon. Il fait le dessin. Les arts plastiques. Bon, il a l'air snob comme ça, mais il est sympa. Puis tu verras, dans l'ensemble ici, c'est pas mal. La salle des profs, c'est pas très gai, hein. Au niveau du décor, c'est même sordide. Encore un peu ? Non, merci. Non, merci. Moi, tu peux y aller. Toi, évidemment. Si tu as un problème, tu n'hésites pas à venir me trouver. On en parle. Je suis la déléguée syndicale. C'est la documentaliste. Elle s'occupe aussi du ciné-club. Bon, elle est très chiante, mais c'est pas le mauvais cheval. Mais demande à Francis, il travaille avec elle. Alors, Francis, Josiane ? Fatigante. Fatigante. C'est plutôt féminin, ici. Mais à peine une dizaine d'hommes. Et encore ? Toi, ces deux-là, là, ils sont pas praticables. Le chauve, c'est René, l'agrégé de masse. Et le barbu, c'est Charles Max. C'est son vrai prénom. Tu vois déjà les parents. Et le petit jeune qui parle avec le censeur, hein? Nono, il fait le latin. Il prend sa retraite à la fin de l'année. T'étais où avant? À Baudelaire. C'est pas une ville, ça? Non, c'est un lycée. T'as eu des problèmes là-bas? Comment ils sont, les gamins, ici? Ah bah, si tu les prends bien dans main dès le début, t'as pas de problème. Chaque année, la rentrée scolaire est donc un temps fort, car si 14 millions de personnes sont directement concernées, c'est l'ensemble de la population qui revit au rythme de l'école. Cette année, la rentrée, c'est aussi celle du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, anciennement ministre des Transports, dans le gouvernement d'un certain Jean-Pierre Raffarin. Passer des transports à l'école, c'est original. Robien, quand il a été nommé à l'Éducnat, il a dû croire qu'il serait chargé du ramassage scolaire. Tiens, d'ailleurs, cette semaine, il y en a pour qui le ramassage scolaire, ça a été un peu ça. Vendredi 2 septembre, jour de rentrée scolaire, 70 personnes qui ne pouvaient bénéficier de logements sociaux ont été expulsées d'un squat rue de la Fraternité dans le 19e arrondissement de Paris. Nicolas Sarkozy a voulu montrer qu'il savait être ferme, sans doute en direction d'un électorat ciblé. La communication, l'arme première du politique. Les conseillers en communication, justement, passent des heures à peaufiner l'image de nos politiques. Mais c'est tout de même étonnant qu'aucun n'ait pensé que donner l'ordre d'expulser des familles entières un jour de rentrée scolaire à l'angle des rues de la Fraternité, de l'Égalité et de la Liberté, ça la fout mal. Les conseillers en com, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, la nature profonde, elle réapparaît toujours quand on ne l'attend pas. Oui, pour certains gamins, la rentrée s'est faite entre deux CRS. Mais bon, dans la grande majorité des cas, la rentrée s'est plutôt bien passée. C'est le cas pour Rémi et Elsa, les enfants de Monique et Jean-Claude, nos deux fabuleux héros rescapés des 80s. Rémi et Elsa, après avoir passé leur première journée à l'école, retrouvent leurs parents le soir et au dîner, ça discute. Monique demande à Elsa si tout s'est bien passé et surtout si ses profs sont sympas. Bon, Elsa, elle, son opinion est toute faite. Le français, ça ne me plaît pas. C'est une matière que je n'aime pas. Et la grammaire, je l'ai prise en grippe. Je peux pas m'accorder avec les participes. Moi, je suis douée. Yé, yé, yé, yé, yé, yé. Uniquement pour la récré. Oh, oh, oh, oh, yé, yé, yé, yé. Elle est douée pour la récré. Eh oui, Elsa est douée pour la récré. Rémi, lui, est un adolescent plutôt introverti. Il vit dans son monde. Ça inquiète Monique qui, gavée des derniers livres de psychologue à la mode, aimerait que Rémi se fasse des amis. Mais non, Rémi, il est très bien comme ça, il n'a pas besoin d'être entouré de toute une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule. Monique, elle s'inquiète surtout de la cantine.

laisse pas traîner ton fils si tu ne veux pas qu'il glisse. C'est ce que recommande Cool Shen et Joey Star. Agitateur bienfaiteur dans La Panique, énorme tube du Supreme NTM en 1998. Alors, pour continuer ce voyage au cœur de ta rentrée 2005, après l'éducation nationale, il faut maintenant nous arrêter quelques instants sur ce qu'on appelle la rentrée politique. Au départ, elle s'annonçait plutôt traditionnelle. Premier conseil des ministres fin août, université d'été diverses et variées, quelques effets d'annonce, rien d'anormal. Jusqu'au moment où tout a basculé. Vendredi 2 septembre, président Chirac fait un léger accident vasculaire et se retrouve dans une chambre d'hôpital militaire au Val-de-Grâce. Il s'agit, nous dit-on, d'un hématome de petite taille expliquant le caractère isolé et limité du trouble de la vision. La France s'inquiète, mais tout le monde se précipite pour nous annoncer que rien n'est grave. Oui, sauf que personne n'a pu voir d'image de président Chirac bien portant. Et puis, surtout, les Français sont désormais méfiants à l'égard des bulletins de santé officiels de leur président. Tu me diras, il y a de quoi. Monsieur Alain Perfitte nous rapporte la mise au point faite par lui devant les secrétaires fédéraux de son mouvement au sujet de la santé de Monsieur Georges Pompidou. On a parlé beaucoup trop de la santé du président de la République avec une insistance qui était indécente. Le président a suffisamment le sens des devoirs de sa charge pour que l'on soit sûr que si la poursuite de sa mission était compromise, il en avertirait le pays. Il ne l'a pas fait, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous sommes le 17 juin 1973. Alain Perfitte voulait lui aussi nous rassurer, mais 9 mois plus tard, Pompidou, président, est mort dans l'exercice de ses fonctions, le 2 avril 1974. Plus proche de nous, en 1992, rebelote. Depuis hier, la France est dirigée d'une chambre de l'hôpital Cochin. Opéré vendredi de la prostate, François Mitterrand va bien. Les communiqués médicaux sont rassurants et il devrait, Pierre Bergoglio l'a annoncé, sortir jeudi et aller voter dimanche. Son médecin personnel, le docteur Gubler, l'un des visiteurs d'hier, ne dit pas autre chose à Philippe Lefebvre. Il va très bien. Est-ce qu'il marche ? Bien sûr, je crois qu'il marche très bien, qu'il déambule, comme on dit. Je crois que ça a été dit dans le communiqué. Et donc combien de jours sortira-t-il ? Une intervention de ce jour, de ce style, c'est quelques jours. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il sortira. Hein, je pense que ça sera, on a dit une petite semaine, je crois que c'est ce que le communiqué du Dr Stagg a dit. Tout va très bien, oui, sauf que François Mitterrand est atteint d'un cancer depuis le début des années 80 et que tout le monde l'ignore. Alors c'est sûr, quand président Chirac vendredi dernier déboule au Val-de-Grâce pour une semaine, le militant UMP serre les miches. D'autant qu'au même moment se tient à la Baule son université d'été et le week-end dernier, les choses se sont précipitées. Les troupes de l'UMP ont alors assisté à un drôle de spectacle entre ces deux leaders. Hegel et Jekyll sont deux drôles d'oiseaux, deux joyeux corbeaux. Hegel et Jekyll font les 400 coups un petit peu partout. Ils parcourent le monde en chantant à tue-tête. Écartez-vous de leur chemin, rien ne les arrête. Hegel et Jekyll sont de carnement, tous deux très séduisants, car ces chenapans nous donnent du bon temps. Nicolas Sarkozy et Dominique Galouzeau de Villepin ne se sont pas lâchés d'une semelle dans un coude à coude serré pour savoir comment virer l'autre. Dégage. Du coup, durant toute la semaine, en l'absence de président Chirac, cette rivalité n'a cessé de s'exposer dans la surenchère, allant même jusqu'à faire dire n'importe nawak à Nicolas Sarkozy, puisqu'il nous a promis mercredi de faire baisser le chômage de 50% en quelques années. Ben voyons. Le même jour, Dominique Galouzeau de Villepin, lui, en l'absence de président Chirac, a présidé le Conseil des ministres à domicile. La famille de Dominique était très heureuse. Si t'es fier d'être un Villepin, frappe dans tes mains. Ah là là. La vie est dure pour Nicolas. Mais bon, attention, ils l'avaient déjà tous enterré, mais vendredi midi, fin de la récré pour les deux compères de l'UMP, président Chirac est de retour. Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Conclusion, retour du patron à l'Elysée, tête de veau et bien mexicaine comme s'il en pleuvait, Villepin, lui, droit dans ses bottes, a pris deux longueurs d'avance sur Sarko, Maintenant, on attend la suite. À gauche, la rentrée a été plus discrète, mais tout aussi chaude. Déjà durant l'été, Michel Rocard a mis le feu à la baraque en menaçant de faire exploser le Parti Socialiste au congrès exceptionnel qui doit se tenir au Mans le 18 novembre prochain. Résultat, au PS, tout le monde s'observe en chien de faïence, les courants s'activent en coulisses pour savoir comment mettre la main sur le parti à la fin du mois de novembre. Tout le monde y pense, les hommes, les anges, les vautours. Y a plus de distance. Personne qui a les bras trop courts. Tout le monde espère. Même à l'arrière des arrières courts. Tout le monde veut son billet retour. Du coup, la rentrée du PS est un peu terne, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, si t'es de gauche, à la rentrée, tu peux toujours aller t'éclater à la Courneuve, les pieds dans la boue, à la fête de l'UMA qui ferme ses portes ce soir. Alors, pour mieux décrypter cette rentrée politique, nous sommes allés voir un politologue inhabituel, un observateur franco du collier, le cinéaste Jean-Pierre Mocky. Pour commencer, nous lui avons demandé ce qu'il pensait de l'hospitalisation de président Chirac. Réponse, juste après le jingle. Pompidou avait l'air malade avant de l'être, c'est-à-dire il était gros, il sentait la maladie un peu. Mitterrand aussi un petit peu, il avait le regard, il avait les yeux creusés, etc. On pouvait se dire, il est malade celui-là, ou il va être malade. Tandis que Chirac, il est tellement, si vous voulez, brillant, tellement, et il pète le feu partout. Ah bonjour. Alors on se dit, celui-là, il sera jamais malade. Il y a des gens qui donnent pas l'impression d'être malade et qui malheureusement peuvent l'être. Alors on ne sait pas exactement comment va la santé de président Chirac, mais en tous les cas, les successeurs sont dans les starting blocks. Quel regard portez-vous, Jean-Pierre, sur ce duel Villepin-Sarkozy? C'est Laurel et Hardy, si vous voulez. Il y en a un qui est beau. Et puis l'autre qui n'est pas beau. Alors tous ceux qui ne sont pas beaux vont voter pour Sarkozy, et tous ceux qui sont beaux vont voter pour Villepin. On pourrait prendre ça comme ça, en se disant, merde, moi je suis beau, ben, je vote pour le beau, pas pour le laid. Puis ceux qui sont laid, ben, ils disent, bon, moi je vote pour le laid. Mais je crois que les deux sont bon, c'est kiff-kiff, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. Ce sont des gens qui, qu'est-ce qu'ils voulaient, je sais pas ce qu'ils peuvent faire dans la situation actuelle. Il faudrait, je vous dis, un Robin des Bois, je pense pas tous les deux qu'ils sont, il faudrait les habiller tous les deux en Robin des Bois pour voir la tronche qu'ils ont avec une arc et des flèches, pour voir celui qui tire le mieux. Bon, donc pour vous, Jean-Pierre Mocky, pas de Robin des Bois à droite, mais à l'opposé, que dire de la gauche pour cette rentrée? Si vous voulez, ce qu'il y a de terrible avec Hollande, parce que c'est Sarkozy qui est cocu, mais c'est Hollande qui a l'air d'un cocu, c'est-à-dire c'est assez curieux comme truc. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, évidemment, ils sont divisés. Il y a Strauss-Kahn qui a eu des problèmes, etc. Il y a Jospin qui essaye de revenir dans les guignols. J'adore les guignols parce qu'ils se permettent évidemment des choses. Quand ils reviennent tout le temps, Jospin me fait rigoler. Et puis voilà, mais ça vient, il y a une espèce de carriérisme dans la politique, on voit toujours les mêmes, ils reviennent, ils repartent, ils prennent une autre place, et socialisme veut dire quand même liberté pour tout le monde, égalité et fraternité. Enfin, bon, donc, et là, ils ne sont pas du tout fraternels, ils se tirent dans les pattes les uns les autres. La situation globale s'annonce donc complexe. Alors, d'après vous, Jean-Pierre Mocky, quelle est la solution? J'attends le sauveur, celui que j'appelle le sauveur, qui mettra peut-être plus de 100 jours à résoudre le problème, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Alors qui? Je crois que là, il y a vraiment un coup de torchon à donner, mais malheureusement, je ne suis pas Robespierre. Yeah. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I that's my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Are drained. Cause a lie and a little lie. Now your emotions are drained. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Don't lie, les Black Eyed Peas, parce que c'est mal de mentir. Surtout quand on découvre que quand t'as grimpé l'Alpe d'Huez en 1999, t'étais chargé comme une mule. Continuons notre exploration de la rentrée en allant voir un peu ce qui se passe du côté du social. Et oui, parce qu'une des expressions à la mode, c'est bien rentrée chaude. La rentrée signifie la reprise des activités et donc de l'activité syndicale. Après 2 mois de vacances, où les seuls soucis ont été de lire la presse People pour savoir qui couche avec qui, ou les seules angoisses étaient de savoir s'il ferait plus ou moins chaud ou plus ou moins sec, le retour au travail signifie le retour aux choses sérieuses. La rentrée 2005, jusqu'alors, n'a pas été chaude. Pas de mouvement de grève dans l'éducation nationale, des syndicats méfiants observent les 100 jours du gouvernement Villepin et attendent. Pourtant, les Français ont une vraie raison de se plaindre, la baisse de leur pouvoir d'achat. Le mois de septembre, c'est le mois des grosses dépenses, des fournitures scolaires à acheter et du dernier tiers d'un impôt sur le revenu à payer. Et en cette rentrée 2005, la baisse du pouvoir d'achat est symbolisée par la hausse hallucinante du prix de l'essence. Bon. Ce n'est pas la première fois que le prix de l'essence pose problème. Le pétrole semble être devenu un bien de première nécessité. Quel que soit le prix, il est pour certains obligatoire d'acheter de l'essence, ne serait-ce que pour aller travailler. Et à plus d'1,50€ le litre, c'est le pouvoir d'achat qui en prend un sacré coup. On avait déjà été prévenu avec les chocs pétroliers. Le premier avait eu lieu en 1973. Les pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP, avaient augmenté leur prix pour obliger les Occidentaux à faire pression sur Israël pendant la guerre du Kippour. Le prix du baril avait alors été multiplié par 5. Le deuxième choc pétrolier avait eu lieu en 1979, suite à l'arrêt de la livraison de pétrole iranien après la révolution islamique. Le pétrole était devenu une arme géopolitique. Les prix augmentaient et le 3 janvier 1980, cela faisait déjà l'ouverture du journal. Le journal Thierry Bourgeon. 19 centimes de hausse sur le litre de super, de gazole et de fuel. Le gaz et l'électricité augmentent de plus de 10%. Pour compenser ces augmentations, mesures d'aide aux plus défavorisés qui toucheront une prime de 150 francs le mois prochain. Nous reviendrons dans le détail sur toutes ces mesures annoncées ce matin. Aujourd'hui, la hausse du prix du pétrole s'explique par une production qui a du mal à suivre la demande. Mais face à la hausse du prix du pétrole, les mesures du gouvernement restent les mêmes. Ainsi, Villepin a annoncé une aide à la cuve de 75 euros pour les ménages qui se chauffent au fioul et qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. Ce choix est étonnant quand on sait que la TIPP et la TVA représentent 70% du prix de l'essence. Impôt injuste. Que tu t'offres le plein de ton 4x4 de bourrin pour partir faire ton kéké le week-end à Deauville ou que tu fasses le plein de ta Clio pour aller bosser, la taxation reste la même. Au fait, les compagnies pétrolières, elles n'ont jamais fait aussi gros bénéfices que ces dernières semaines. On parle de dizaines de milliards d'euros. Alors réduire le prix du litre de quelques centimes, c'est bien gentil, ça fait une réduction de 2%. Enfin, la hausse du prix du litre d'essence a tout de même un sacré avantage. Il réactualise un vieux classique de la drague. Oh, ne te mets pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler ? Je rentre à la maison, ça fait bien loin à pied. Oh, je connais les garçons, l'endroit est désert. Je te vois bien venir, et il a tout pour plaire. Il faut repartir, mais je n'ai plus d'essence. Ça, je n'en crois rien, nous sommes en avance. Ça t'arrange bien, il faut rester là. Ma maman m'attend, surtout ne t'en va pas. Tu es échenapant. Autre aspect de la rentrée sociale, le retour violent de la misère à travers ton écran de télé. Le 26 août, 17 personnes meurent dans un incendie dans le 13e arrondissement de Paris. Parmi les victimes, on compte 14 enfants. Rebelote, le 29 août, 7 morts, dont 4 enfants, dans un immeuble tout pourri du Marais. Face au manque de logements sociaux, depuis longtemps dénoncé par les associations, les plus pauvres en sont réduits à vivre dans des immeubles insalubres, et c'est normal. Je voulais savoir, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça ? Mais oui, écoute, les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles. Tu comprends ? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Oui. Alors ça s'empare très facilement des matières. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. C'est normal. Oui, oui, oui. La, la, la, la, la, la, la. Pour terminer notre survol de la rentrée sociale, allons faire un tour du côté de Romans, où 452 employés de la société Charles Jourdan, fabricant de tatanes de luxe, se retrouvent sur le carreau. Un néo-chômeur de Romans pouvait, pour se changer les idées, mater la télé lundi soir. Sur France 3, par exemple, il pouvait voir Germinal de Claude Berry, d'après Zola. Bon. Question comédie boulevardière, on a vu mieux, mais le chômeur de Romans, il pouvait entendre dans Germinal un discours de patron du 19e siècle. Ah là là, les persistances. La trop grande prospérité de ces dernières années devait nous mener là. Songez aux énormes capitaux qui sont immobilisés dans les chemins de fer, dans les ports, dans les canaux. L'Amérique, en cessant ses commandes de fer et de fonte, a porté un rude coup à nos hauts fourneaux. Et depuis que les usines ferment une à une, nous avons un mal du diable à nous débarrasser de notre stock. Et si on veut vendre face à la concurrence, nous sommes bien obligés de baisser notre prix de revient. Et c'est ça que les ouvriers ne veulent pas comprendre. Monsieur Grégoire, je vous en prie, reprenez encore quelques-unes de ces écrevisses. Avec grand plaisir, chère madame. Et le pire, c'est que pour abaisser notre prix de revient, il faudrait produire davantage. Mais nous vendons de moins en moins. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de baisser les salaires, forcément. Ce sont les ouvriers qui trinquent. Pour ce qui est de trinquer, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Espérons que cette semaine aussi, il y aura de très bons films à la télé pour les employés de la très rentable Hewlett-Packard. Alors, la rentrée 2005, une rentrée chaude ? Ben, pas trop. Mais plusieurs confédérations syndicales, dont la CGT, la CFDT et la CGTFO, ont appelé à un mouvement unitaire pour le 4 octobre. Les syndicats ont attendu les 100 jours de Villepin. 100 jours, une jolie formule trouvée par des communicants qui sans doute ont oublié, dans leur volonté de bien faire, que les 100 jours de Napoléon se terminent par Waterloo. Donc, quand on regarde la rentrée 2005 à l'endroit, ça a l'air plutôt calme. Mais à l'envers, c'est beaucoup plus complexe. On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir, tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelle. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrament sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. C'est ce que chantaient Bertrand Cantat et son Noir Désir, parce que de Nîmes à la Louisiane, de l'essence qui flambe aux immeubles qui crament, tu l'as un peu la tête à l'envers. Alors pour continuer notre exploration de ta rentrée 2005, il est temps maintenant de s'intéresser à la vie quotidienne et pour cela de retrouver nos deux héros, Monique et Jean-Claude. Pour commencer, quand ils sont rentrés de vacances, Monique et Jean-Claude ont affronté deux difficultés. Tout d'abord, c'était la désolation dans le living room. Les plantes vertes et les poissons rouges dont devait s'occuper la voisine ont tous crevé. Jean-Claude s'emporte. Elle a dû venir qu'une fois, cette conne. Et puis, il y a la boîte mail de l'ordinateur. 246 mails reçus, dont 243 spams. Il y en a pour 3 heures de triage. Jean-Claude est au bord de la crise de nerfs. Mais bon, le retour des vacances signifie surtout reprise du boulot. Alors que les grandes villes étaient si calmes au mois d'août, ça y est, tout le monde est là, tout le monde a repris le travail. Et Jean-Claude, lui, aux heures de pointe, dans sa bagnole, pour une fois, il reste calme. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau, il y a du soleil. Bébé. Monique, elle, au mois de septembre, ce qu'elle préfère, c'est surtout la rentrée littéraire. Elle bouquine pas mal, Monique, dans le métro. Cette année, elle peut faire son choix parmi 661 romans. Septembre, c'est réellement la foire aux bouquins. La rentrée littéraire, ça la fait toujours marrer, Monique. Elle compare ça à un truc qu'elle connaît bien. La célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir devenir stars. Travail, rigueur, précision, sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Et oui, La rentrée littéraire, c'est un peu la Starac. Et oui, l'auteur doit plus que jamais séduire son lecteur. Monique est plutôt du genre suiveuse et pour cette rentrée, elle n'a pas hésité. Elle fait partie des 200 000 acheteurs de La possibilité du Nil, le roman de Michel Houellebecq. Elle est intriguée par ce Houellebecq qui prophétise la fin de l'amour et de l'espèce humaine et qui pourrait bien, paraît-il, empocher le Goncourt. Manquerait plus que ça. La rentrée dans les foyers, c'est aussi le retour de la télévision. Tout d'abord, Monique et Jean-Claude ont scruté la rentrée de Jean-Pierre Pernaut au 13h sur TF1. Après tous les déboires de Jean-Pierre, déballés cet été dans la presse à scandale, Monique s'est fait du souci pour l'animateur vedette. Bon, pour Jean-Claude, quand on voit ta femme s'occuper des vaches dans la ferme des célébrités, faut pas s'étonner après de récupérer les cornes. Enfin, tout ça, c'est pas clair. Mais Monique et Jean-Claude se sont vite rassurés. Parce que le 13h de Pernaut sur TF1, c'est... À la télé, Monique et Jean-Claude, ils ont également vu de sacrés trucs ces derniers jours. Par exemple, cette Nouvelle-Orléans ravagée par des pluies torrentielles. Un carnage, sans doute des milliers de morts aux États-Unis. Certes, l'ouragan a été violent, mais le véritable souci, c'est la gestion catastrophique de la crise par l'administration Bush. Et Jean-Claude, devant son écran 16/9, quand il voit W gérer la situation comme un branque, il a envie de lui dire à W. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Pour W, un bon secouriste, c'est un bon sniper qui flingue tout ce qui bouge. Pour Monique, cette paralysie du système américain face à la désolation de cette Louisiane, c'est la preuve flagrante de l'échec complet d'un système ultralibéral. D'ailleurs, elle fait remarquer à Jean-Claude qu'en France, la qualité des services de l'État n'aurait jamais donné lieu à un tel dérapage après la catastrophe. En tout cas, en France, on n'a jamais envoyé des soldats en armes pour protéger les sauveteurs. Et pour Monique, il est épuisant, en regardant ces images, d'entendre qu'on veut faire des économies sur le dos du service public. On voit où ça mène. Jean-Claude, lui, il a surtout été choqué par le fait que ce sont encore des Noirs qui ont trinqué. On a fissé à évacuer les Blancs, mais les Noirs, non. Sans doute une réminiscence des champs de coton. L'injustice et la misère de la Louisiane au squat parisien a malheureusement une couleur mondiale, le black. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple. C'est clair, non ? Mais bon, chez Monique et Jean-Claude, la télé n'est pas autorisée pendant les repas. Ces derniers jours, il y a d'ailleurs une chose très importante qui monopolise tous les dîners de cette rentrée. C'est la Marseillaise. Bon, déjà, il y a eu le canular avec Zizou mercredi soir contre l'Irlande, ce qui a fait exploser de rire Monique, mais beaucoup moins Jean-Claude, on ne rigole pas avec la Marseillaise. Surtout que maintenant, ces mômes vont devoir apprendre la Marseillaise à l'école. Chose qui se fait déjà depuis fort longtemps, mais bon, il y a une loi maintenant, paraît-il. Donc Jean-Claude, pour aider Rémi à mémoriser les paroles, chante la Marseillaise tous les soirs au dîner, debout, la main sur le cœur. Chantons une nouvelle fois la Marseillaise. En réalité, c'est Michel Debray que tu viens d'entendre chanter, heureusement aidé sur la fin par Gainsbourg. Michel Debray, c'est un des piliers de la Ve République, père de Jean-Louis. Hey, chaguez pas mon papa, soyez sympa, soyez sympa. Chariez pas mon papa. Hey, le regardez pas comme ça, parce qu'il a bu un coup de trop. parce qu'il sait plus trouver ses mots. Allez Jean-Louis, c'est le week-end, détends-toi, ne partons pas fâchés. Pour nous, c'est la rentrée qui commence. Bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais. Bien sûr la vie nous met le compte, bien sûr la vie c'est une enclume. Bien sûr que j'aimerais bien te montrer, ailleurs on ferait pas que fuir. Bien sûr j'ai pas les moyens, et quand les poches sont vides alors allons rire. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr que les montagnes sont belles, bien sûr qu'il y a des vallées. Et les enfants sautent sur les mines, bien sûr dans une autre vallée. Bien sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore en moi comme un goût avalé de travers. Mais ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Bien sûr j'ai la ville dans le ventre, bien sûr j'ai vendu ma moto. Bien sûr je te trouve très jolie, j'ai vraiment envie de te sauter. Bien sûr la vie nous fait offense, bien sûr la vie nous fait misère. On ira aussi vite que le vent, même si on a bien souvent rampé. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Se saouler, attendre le jugement dernier. Transplanté là-haut dans le ciel, il paraît que c'est pas pareil. Il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves, que dans tes rêves. Mais ça ne fait rien, ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Il paraît que les petits moineaux, ne partons pas fâchés. Raphaël, extrait de l'album Caravane. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine parce que la rentrée, tout comme le nouvel an, c'est l'occasion des bonnes résolutions. On les a prises le 1er septembre et puis, dans quelques jours, on aura tout oublié. Alors, nous voici arrivés au terme de notre voyage. De la rentrée scolaire à la rentrée politique, des profs aux ministres, des promesses pleines d'espoir aux réalités sociales, nous avons voulu te dresser un panorama de ta rentrée 2005. Alors, comment est-elle au juste, cette rentrée ? C'est une rentrée plutôt calme. Le pays n'est pas paralysé par les grèves et les écoliers ont retrouvé les salles de classe sans broncher. Oui, une rentrée traditionnelle avec ses repères habituels. Le retour des embouteillages qui nous cassent les pieds, celui de la Starac qui nous les brise, les universités d'été des partis politiques où le bronzage soigné cache mal les tensions naissantes. Oui, ta rentrée 2005 est une rentrée tranquille, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Tiens, par exemple, on t'a retrouvé un journal d'Yves Mourouzi, c'était en septembre 1967. Comme je vous le disais, c'est fait pour 6 300 000 enfants exactement. C'est aujourd'hui le grand jour à l'Infernbach, c'est la rentrée. Une rentrée qui, on peut le dire, s'est déroulée sans trop de difficultés. 3 000 classes supplémentaires ont été ouvertes, vous le savez, pour l'enseignement préélémentaire, c'est-à-dire l'enseignement des classes maternelles et des classes enfantines, et 6 000 classes nouvelles dans l'enseignement primaire. Au total, on compte 320 000 enseignants avec une très nette majorité de femmes. Donc, la rentrée 67 s'était bien déroulée, sans trop de difficultés. C'est après que ça a dérapé. Au printemps, on n'est jamais à l'abri de rien. Pour terminer, on peut rapidement évoquer tous ceux pour qui la rentrée n'est pas synonyme de reprise d'une activité. Tiens, par exemple, ceux qui profitent du mois de septembre pour partir en goguette sur les plages désertées par les juilletistes et les aoussiens. Septembre, c'est aussi le mois des retraités. Ils peuvent profiter des lieux touristiques sans subir les embouteillages et les cris des enfants. En partant en septembre, les retraités croisent les maîtres nageurs sauveteurs CRS qui regagnent leur caserne et abandonnent la bouée de sauvetage pour la matraque de combat. Alors, voilà l'ami, les vacances sont finies et la rentrée est passée. Le train-train quotidien risque de prendre le dessus si on n'y fait pas gaffe. La rentrée, vue comme ça, elle n'est pas très belle. Mais la rentrée, faut avouer, on l'aime bien quand même. C'est toujours sympa de retrouver son chez-soi, de se dire qu'on va revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ouais, dans ce cas, elle est belle la rentrée. Mais alors, la rentrée 2005, t'es belle ou pas ? Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Parce que t'es belle. À toi. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. Quand tu doutes comme ça. Le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil déjà est de moi. Qu'est-ce que t'es belle, Catherine Ringer et Marc Lavoine. Voilà, fin du premier épisode. C'était ta rentrée 2005, revue à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace. Ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, alias Luke Skywalker, un auteur Jedi sans qui cette émission ne serait pas la même. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci Marco. Assisté de Patrick Henry et de Ludovic Aslo, merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi, alias Princesse Leia. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Il me reste aussi à remercier deux autres membres de l'équipage, Maude Lomnitz et Caroline Chausset, documentaliste à Lina Mangin. Pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pouvez également nous écrire des lettres à France Inter, 19 avenue du Général Mangin, Paris 16e, autrement dit au Mangin Palace. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour une nouvelle émission qui s'intitule Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien.